إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 4 dans la lecture du livre de Cheikh Mohamed Bazmoul, As-Salafiyyatu wal-Khitabuddini, la Salafiyya et le discours religieux. Et la raison je rappelle en même temps pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi le titre, As-Salafiyyatu wal-Khitabuddini. La question du discours religieux, c'est quelque chose qu'on a vu comme des discussions au sujet du discours religieux dernièrement, après les attentats du 11 septembre. Et certaines personnes ont commencé à appeler à ce qu'il y ait une réforme ou un changement du discours religieux, puisqu'on réinterprète l'islam d'une nouvelle façon, et qu'ils ont commencé à critiquer la salafia. Ils ont commencé à mentionner certaines choses, pourquoi ils n'aiment pas la salafia. Et le cheikh il a mentionné 10 critiques ou 10 objections qui sont faites à la da'wa salafia, et il a pris le temps de répondre à chacune de ces critiques. Donc là on est arrivé à la critique numéro 5, le point numéro 5. قولهم وقولهم بعيد عن فقه الواقع فهو يناقش الأموات ولا يناقش الواقع. Donc, une de leurs critiques, c'est qu'ils disent à propos de la salafia que c'est un discours qui est loin de l'actualité, loin de la compréhension de la réalité du monde actuel, et que c'est une da'wa qui argumente ou discute avec des morts, et qui ne discute pas des problèmes réels et de la réalité actuel de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors le cheikh Bazmoul répond à cette critique et il dit: أقول هذه فرية والواقع خلافها وحسبنا الله ونعم الوكيل إن الاهتمام بواقع المسلمين ومعالجة مشاكل الناس على هدى من دين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سمة السلفيين وسبيلها. ليس فقه الواقع هو تتبع التحليلات والتخمينات الصحفية والمقالات الثورية، إن فقه الواقع هو المعرفة بالسياسة الشرعية وتطبيق أحكام الشرع في التعامل مع الولاة والعلماء وعامة الناس وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وذلك امتثالا لما جاء عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والسلفيون هم خير من يطبق هذا ويقوم به. Donc on va commencer par traduire qu'est-ce que le cheikh il a dit en premier. Donc il dit maintenant que qu'est-ce que ces gens-là donnent comme critique contre la salafia à ce sujet, c'est un mensonge. C'est des choses qui sont inventées. Et que la réalité, elle est en contradiction avec ce qu'ils disent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit et il est le meilleur garant. Il dit qu'en réalité, de s'occuper de la réalité de ce qui se passe chez les musulmans et de la réalité de ce qui se produit maintenant dans les pays musulmans et d'essayer de remédier les problèmes des gens selon la guidance de la religion d'Allah Azza wa Jal et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une des caractéristiques des gens qui suivent la salafia, c'est-à-dire la voie des salafs salih et leur chemin. Et il dit que la réalité de la compréhension de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est pas en suivant les analyses politiques, les analyses journalistiques et d'essayer de suivre qu'est-ce que les paroles révolutionnaires propagent dans les différents médias. La réalité de la compréhension de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est de connaître la politique selon la révélation, selon la religion. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe « as-siyasat al-shar'iyya » « As-siyasat al-shar'iyya » c'est-à-dire la façon islamique de gérer un État, de gérer les questions politiques, de gérer les questions qui ont rapport avec le dirigeant et les dirigés. Yani selon le Coran et la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Également, la vraie compréhension de la réalité, selon l'islam, c'est d'appeler justement à l'application des règles de la législation islamique et de la révélation dans la façon dont le dirigeant, dont on doit interagir avec le dirigeant musulman dans un pays musulman, et la façon également dont on doit interagir avec les ulama, les hommes de science, et la façon dont on doit interagir aussi avec le reste des musulmans en général, et d'essayer de les orienter vers ce qu'il y a de mieux pour eux et vers ce qu'il y a vers ce qui va leur apporter leur bonheur dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et cela ne vient que lorsqu'on met en application le hadith qui est rapporté selon Tamim ibn Awsin al-Dari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion, c'est le bon conseil, c'est la sincérité. Et on a dit: envers qui, ô messager d'Allah? Et il a répondu et il a dit: c'est envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. C'est-à-dire que, comme on dit, an-nasiha, c'est la sincérité. Et aussi, parmi les choses qui font partie de la sincérité, il y a le bon conseil. Ok? Parce que lorsque tu es sincère envers quelqu'un, tu vas lui dire ce qui est bon pour lui. Tu vas lui donner un conseil dans le sens de lui montrer qu'est-ce qui va lui rapporter du bien et du bonheur dans sa vie d'ici-bas et dans son au-delà, et qui va l'amener vers son salut. Tandis que si tu n'es pas sincère, tu vas pas lui donner de bons conseils. Tu vas le laisser aller dans qu'est-ce qu'il va. Mais c'est important de comprendre que an-nasiha, c'est pas juste donner le bon conseil. Le bon conseil, c'est une partie de la nasiha. La nasiha, quand on dit de donner, de faire preuve de nasiha envers Allah, est-ce que ça veut dire donner un bon conseil à Allah? Non. Allah, il n'a pas besoin de bons conseils. De même que envers le livre d'Allah, est-ce que de donner la nasiha au livre d'Allah, c'est de donner un bon conseil au livre d'Allah ou au messager? Non. C'est de faire preuve de sincérité envers Allah, d'établir son tawhid. Tawhid al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wal-sifat. De même qu'envers le livre d'Allah, c'est d'appliquer ses règlements, d'appliquer ses principes, de suivre qu'est-ce qui est écrit dedans, de le réciter, de le mémoriser, de l'appliquer, et ainsi de suite. Envers le messager, c'est de suivre sa sunna, de suivre qu'est-ce qu'il a enseigné, hein, de prendre son exemple, de suivre son modèle, et envers les dirigeants, c'est de les écouter, de les obéir dans le bien, de pas leur désobéir dans qu'est-ce qu'ils ordonnent, sauf s'ils ordonnent de faire un péché. Alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir, mais on continue à leur obéir dans le reste de qu'est-ce qu'ils ordonnent de bien. De pas appeler à la révolte contre eux, de pas les détester, de pas les insulter, de pas diviser la jama'a, et ainsi de suite. Et envers les musulmans en général, c'est-à-dire de leur donner le bon conseil et d'être sincère envers eux. Donc ça, c'est un résumé de la signification de le hadith ad-din al-nasiha de Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Hein? C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et également rapporté par l'imam Muslim. Donc c'est un hadith qui est sahih. Donc le cheikh il explique que les salafis sont ceux qui sont les meilleurs pour appliquer la signification de ce hadith-là et de l'établir réellement. Et il dit « وحينما تبحث المسائل وتناقش الأقوال ينظرون في النوازل المستجدة إنما يتمسكون بأصول المنهج العلمي في البحث وأي عاقل يقول أن يبدأ الإنسان البحث من حيث بدأ الآخرون أن يبدأ الإنسان البحث من حيث بدأ الآخرون أليس الصحيح أن نبدأ من حيث انتهى من قبلنا ونناقش أقوالهم إذا احتاجت إلى نقاش ونبني على ذلك أليست الدعوة إلى الانفصال عن من سبقنا تحمل في طياتها ضياع الدين والانسلاخ عن الصراط المستقيم يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكيف يحسن معالجة الواقع بدون النظر في تجارب وأقوال من قبلنا ألسنا بهذا نختصر المسافات ونسارع إلى الوصول إلى العلاج الصحيح الناجع. Donc le cheikh il explique que lorsqu'on débat des questions et qu'on regarde des situations, des problèmes, des situations nouvelles qui se produisent dans la Ummah, hein, donc quand on fait ça, on cherche ces questions-là, on va s'accrocher au fondement de la méthodologie scientifique dans la recherche. Et n'importe quelle personne raisonnable, s'il dit par exemple, on va commencer à la même place que les autres ont commencé. Il dit non. Il dit dans la recherche, on va commencer là où les autres ont terminé, hein, et là où ils sont arrivés, on va poursuivre. C'est-à-dire, on va suivre ceux qui nous ont précédés et on regarde jusqu'où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont déduit, et on va discuter leur déduction et qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et si ça nécessite qu'on débatte ou qu'on discute de cette décision-là ou de ce jugement-là, dans ce cas-là, on va discuter et on va baser là-dessus. Hein, on va bâtir là-dessus. On va pas partir à zéro à chaque fois. C'est pour dire que certaines personnes, ils veulent que les musulmans abandonnent complètement les positions des salafs. Et qu'est-ce que les salafs nous ont laissé? Et ils veulent qu'on reparte à zéro, à réinterpréter l'islam comme si ceux qui étaient là avant nous n'avaient rien fait. Et ça, c'est totalement absurde. Même dans le cheikh, il disait, même dans le cours précédent, on a expliqué que même dans la recherche des choses de la dunya, on regarde toujours qu'est-ce que les chercheurs qui nous ont précédés ont écrit avant de créer notre propre recherche pour savoir jusqu'où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'était quoi leurs hypothèses, et analyser ça et faire les vérifications pour être sûr que qu'est-ce qu'ils ont ramené comme résultat, c'était soit correct ou soit incorrect. Puis après, on se base là-dessus pour continuer la recherche. Mais de vouloir nier tout ce qui a été fait auparavant, puis de repartir à zéro, il y en a même dans les questions de la dunya, dans les études pour la dunya, on ne fait pas ça. Donc comment maintenant tu veux nous appeler à nous séparer complètement de ceux qui nous ont précédés? Il dit que d'avoir cet appel, hein, d'appeler à nous séparer complètement de ceux qui nous ont précédés, eh bien il y a dans ça le fait de complètement perdre la religion et de se détourner et sortir complètement du droit chemin. Et le droit chemin, c'est de suivre, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 69 dans Surat An-Nisa, lorsqu'il dit: et quiconque obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là sont avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Et on a expliqué dans Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Puis après il nous explique c'est quoi le droit chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le droit chemin, c'est le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Donc il définit ce chemin par rapport à ceux qui le suivent. Et ceux qui le suivent, il l'explique dans l'autre verset, c'est le verset 69. Dans Sourate An-Nisa, il dit: min an-nabiyyin ma'alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Donc il explique que ceux sur qui Allah a mis sa grâce, c'est ceux, hein, qui font partie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux, des vertueux. Et ceux-là sont, il y en a comme ils sont de bons compagnons pour vous. Donc c'est pour dire que si tu veux suivre le droit chemin, tu dois suivre leur exemple. Et donc pas te séparer d'eux, contrairement à ce que ces gens-là essaient de dire. Et il dit ensuite: donc comment pourrais-tu arriver à résoudre les problèmes de qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel sans regarder les expériences et les paroles de ceux qui nous ont précédés, hein? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en agissant ainsi, en prenant l'exemple de ceux qui nous ont précédés et leurs expériences et leurs paroles, on est en train justement de rétrécir et de résumer l'espace qui nous sépare du remède en question, et n'est-ce pas que ça peut nous amener plus rapidement vers le résultat et vers le remède qui est bénéfique et qui est authentique, qui est bon? Donc ça, c'est pour la question numéro 5. On a terminé de lire la réponse à propos de qu'est-ce qui est dit dans le numéro 5. Parce qu'en général, par rapport à qu'est-ce que le cheikh il répond ici, c'est pour clarifier que les kuffars, par exemple, souvent, qu'est-ce qu'ils vont critiquer les musulmans, c'est que vous débattez de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, parce que nous on appelle, hein, les musulmans à revenir à l'ordre d'Allah, à la sharia d'Allah, et d'appliquer avec le dirigeant les principes de la sharia de l'islam. Tandis que eux, ils sont en train d'appeler les musulmans à justement délaisser les principes de l'islam sur cette question-là et d'adopter les principes de la démocratie, de la laïcité, de séparer l'État et la religion, et d'appeler les musulmans à se diviser entre eux pour former des partis politiques et... En général, les partis politiques qu'ils vont former sont des partis non religieux, hein, et parfois même des partis soi-disant religieux. Et de faire des partis comme ça, c'est d'appeler les musulmans à se diviser, hein, dans leur pays. Que ce soit des divisions politiques ou religieuses, le résultat, ça va toujours amener la même chose, la division des musulmans. Alors que dans l'islam, les musulmans doivent être tous unis, et ils doivent être un seul parti. Hein? Ils doivent être un seul parti. Dans chaque pays musulman, le peuple, il forme un seul parti autour de son dirigeant. Et c'est ça qu'on veut dire par la jama'a. Hein? Et le prophète, sur l'ensemble, il n'a pas dit qu'il devait y avoir plusieurs jama'at, c'est-à-dire plusieurs partis politiques dans le même pays, et que chacun de ces partis politiques, il se disputent le pouvoir ou ils se disputent les places dans le parlement pour avoir des sièges et ainsi de suite. Ça n'amène que au chaos et au désordre et à la division et au conflit et au problème. Et on voit les résultats de ça dans beaucoup de pays. Dans le monde entier, et même parfois, même chez les koufars aussi, qui eux prétendent avoir des pays démocratiques, mais on voit que la réalité c'est de la démagogie. Celui qui a plus d'argent peut faire une plus grosse campagne. Pour avoir une bonne campagne, il faut avoir de l'argent. Des fois, ils prennent des fonds d'origines ou de sources. Donc, étant donné que c'est basé sur l'argent, ça ne peut pas être propre, comme on dit. En tout cas, le cheikh, il dit comme point numéro 6, « قولهم يحد من حرية الفكر ». Donc, il parle de la salafia, puis il critique encore un autre point qu'il mentionne, c'est qu'ils disent « يحد من حرية الفكر والانطلاق وحقوق الإنسان ويعيق الأمة عن طريق التقدم والحضارة ». Donc ici un autre point qu'ils mentionnent parmi les critiques, c'est qu'ils disent que la salafia elle limite la liberté. Elle limite la liberté et elle limite la liberté et le progrès, puis également la liberté, les droits de l'homme, et elle empêche la Oumma d'avancer vers l'évolution, la civilisation. Et donc le cheikh il répond à ça, il dit أَقُولُ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ بل هل كانت انطلاقة الفكر وتجديده ومعرفة حقوق الإنسان إلا بهدى اتباع الشرع والأخذ بما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمشي على سبيل السلف الصالح ألم تكن الحضارات الإنسانية السابقة للإسلام والقائمة في وقت ظهور محل مقت الله تعالى ألم تكن الحضارات الإنسانية السابقة للإسلام والقائمة في وقت ظهوره محل مقت الله تعالى فهو الآن يذكر بعض الأحاديث في هذا ويذكر حديثا طويلا في هذا الموضوع ولكن يعني سنقرأ محل الشاهد منه حتى لا نطيل كثيرا. يقول عن عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربكم أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذا يثغل رأسي إذن يثغل رأسي فيدعوه خبزة فقال ستخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق سننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله إلى آخر الحديث. ففي هذا أن الحضارة والمدنية وكل علو في شأن الدنيا ليس محلا لأن يلتفت إليه أو يشار إليه، بل محل للمقد والذم وعدم الرضا، لأن بعد ذلك يقول: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، إلى آخره. فيتكلم عن الدنيا وعن أمور الدنيا. فيقول الشيخ يعني بأن المدنية والحضارة يعني وكل علو في شأن الدنيا ليس محلا أن يلتفت إليه أو يشار إليه، بل محل للمقت والذم وعدم الرضا. وفيه أن الدين والقيام بطاعة الله واتباع أمره هو المعول عليه وهو المقصود، فالغرض الذي يسعى إليه المسلم هو الآخرة والقيام بشرع الله في الدنيا، ويعلم أن ما تركه من الدنيا سيعوضه الله إياه في الآخرة. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique que ça c'est un blasphème contre l'islam, contre les musulmans. C'est pas vrai que l'islam ou la salafia elle empêche la liberté de réfléchir ou la liberté de penser ou les droits de l'homme ou la civilisation ou l'avancement, puisque c'est dans l'islam que ces choses-là ont pu yani avoir justement leur développement. Yani toutes ces choses-là que les koufars ont maintenant et dont ils se vantent, toutes ces choses-là à la base, il dit, c'est venu uniquement de suivre la guidance de la révélation et de prendre ce qui est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de marcher sur le sentier de nos pieux prédécesseurs. Parce que si tu regardes la réalité, les juifs et les chrétiens dans leur civilisation, dans leur monde, ils ont connu que les ténèbres et la noirceur. Et c'est pour ça que la période dans laquelle ils s'accrochaient le plus à leur religion, eh bien cette période-là dans leur histoire, elle a été appelée le Moyen-Âge, et en anglais on dit « the Dark Ages ». On peut dire, si on traduit littéralement en français, les périodes noires ou sombres. Donc on voit tout de suite la différence qu'on dit en français « Moyen-Âge », en anglais « Dark Ages ». C'est « dark », ça veut dire « sombre ». Et « ages », c'est-à-dire les périodes ou l'époque qui étaient sombres et noires, obscures. Donc c'était la période dans laquelle eux, ils pratiquaient le plus leur religion. Ils étaient plus religieux dans cette période-là. Puis il y a eu qu'est-ce qu'ils appellent en anglais « the enlightenment ». Ou bien en français on dit la période de, comment ça s'appelle, c'était la Renaissance. Qu'est-ce qu'ils appellent la Renaissance? En anglais ils appellent ça enlightenment, c'est-à-dire comme si l'illumination, l'éclairage, ils ont commencé à être plus illuminés, éclairés. Et une des raisons pour laquelle ils prétendent comme que l'Europe s'est illuminée, c'est quand elle commençait à se détacher de sa religion, puis commençait à utiliser plus sa raison. Et beaucoup de ces lumières, de cette science et de cette connaissance qu'ils ont développée, ils l'ont connue par l'intermédiaire de qu'est-ce qui a été transmis par le monde musulman. D'accord ? Puisque à l'époque, c'était des musulmans que venait toute la connaissance et toute la science. Maintenant, ils ont essayé de s'inspirer de l'islam pour essayer de créer leur idée de société idéale. Et bien entendu, ils ont pris des bonnes choses, mais malheureusement, tout ce qui est limité au cerveau humain, il est voué à être imparfait et à être à l'échec. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont prendre des bonnes choses, mais ils vont soit aller dans un extrême ou dans l'autre. Et l'Europe, quand tu regardes son histoire, tu constates que c'est toujours ça. Soit ils sont dans un extrême, ou soit ils sont dans l'autre extrême. Ils étaient extrémistes dans dans le dogmatisme et dans la croyance irrationnelle et dans toutes les idéologies de shirk et les croyances d'idolâtrie. Puis ils sont tombés dans, par la suite, l'athéisme et le matérialisme une autre extrême complètement, la liberté totale, aucune limite. Et donc ils vacillent comme ça d'un extrême à l'autre à travers leur histoire parce qu'ils n'ont pas de guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont des aspects positifs qui en découlent de leur civilisation ou bien de leur développement scientifique, mais il y a beaucoup aussi des côtés très négatifs aussi. Et tout le monde le dit, même parmi eux, il y en a plein qui le disent, qu'ils sont en train de détruire la nature, de détruire la terre, de polluer le monde. Ils sont même en train de chercher d'autres planètes où on pourrait aller vivre parce qu'ils sont en train de dire que bientôt là, tout ce qui est maintenant, c'est bientôt comme ça sera pourri complètement. Tout ça, c'est à cause de qu'est-ce qu'ils ont développé. Donc ça, c'est d'un extrême à l'autre. Et dans l'islam, la civilisation, elle est équilibrée parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est basé sur la révélation d'Allah et sur l'exemple de ceux qui ont suivi cette révélation-là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et nous, on prend en considération, quand on parle de la civilisation, comme le cheikh il dit, on prend en considération les aspects de la foi et de la religion, pas seulement les aspects de la dunya, parce que eux, ils se basent uniquement sur des aspects matérialistes pour déterminer qu'est-ce qui est une civilisation. Le développement technologique, le développement scientifique, ça c'est un aspect vraiment superficiel de la civilisation réelle. Puisque la vraie civilisation, c'est le comportement, c'est les mœurs, c'est la foi, c'est la morale. C'est ça qui fait qu'un peuple est réellement civilisé, même s'il n'est pas développé scientifiquement. Il peut être plus civilisé qu'un peuple qui est développé scientifiquement s'il a de la morale, de la foi et qu'il se base sur la révélation. Et c'est ça que le cheikh il explique. Et la preuve, c'est dans le hadith que le cheikh il a mentionné, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il a regardé la terre, il a regardé tout le monde, les arabes et les non-arabes, et il a détesté tout le monde excepté un petit groupe parmi les gens du livre. Et c'est là qu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il explique, c'est que tout ce qui était considéré à l'époque comme de la civilisation par ces gens-là, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala avait détesté et qu'il blâme et dont il n'était pas satisfait. Et donc c'est dans le fait d'établir la religion, d'établir l'obéissance d'Allah, dans le fait de suivre ses commandements, c'est dans ça qu'il y a l'objectif et le but à atteindre pour le croyant. Et donc, le but et l'objectif que le musulman essaie d'atteindre ultimement, c'est l'au-delà. Et d'établir la législation et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Et il dit, il sait que ce qu'il a abandonné ou délaissé de la dunya, de la vie d'ici-bas, Allah va lui remplacer par qu'est-ce qui est meilleur dans l'au-delà. Et ensuite, le cheikh, il cite un autre hadith. C'est un hadith très long, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit, « قال عمر, يعني في قصة خبر طلاقه لأزواجه. » Donc c'est dans le hadith très long, où les gens pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait divorcé ses femmes. Hein? Donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est rentré pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler avec lui. Puis on va lire qu'est-ce qui est mentionné. Il dit fadakhaltu alayhi. Il dit fadakhaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muttaji'un ala rimal hasir laysa baynahu wa baynahu firash قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره إلي فقال لا ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أرضأ هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو فيك شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فالمؤمن في الدنيا يعيش للآخرة ولا يلتفت إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون ولم يأتي أي إشارة في القرآن العظيم إلى الترغيب في الحضارة المدنية التي كان عليها الروم والفرس بل على العكس جاءت النصوص تضم الكفر والكافرين بدون استثناء وقد جاء في شرع الله بيان الطريق للعزة والقوة والتمكين في الدنيا وهو نفس الطريق المطلوب من المسلم سلوكه وقال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومع هذا فقد شهد الأعداء بفضل الحضارة الإسلامية على الحضارة الحديثة وأنها إنما وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب الحركة العلمية والنشاط العلمي للمسلمين وقرأ إن شئت كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زغريد هوننكانو لا أدري يعني كيف ينطق هذا الاسم ولكن هو كتاب مشهور والفضل ما شهد به الأعداء والفضل ما شهد به الأعداء. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, l'histoire quand les gens pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait divorcé ses épouses et c'est une histoire qui est célèbre. Et c'est ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, Omar ibn al-Khattab, parce que les gens disaient des rumeurs comme ça, donc Omar ibn al-Khattab, il est allé pour vérifier qu'est-ce qui se passait réellement. Et il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a demandé la permission pour qu'on le laisse entrer. Il est rentré. Il l'a vu allongé sur un genre de petit tapis tressé avec des feuilles de palme. Et il a vu qu'il était allongé sur ça. Puis, les tresses de palme avaient fait des marques sur sa peau. Hein, puisqu'il dormait, il n'y avait pas de matelas ou de coussin par-dessus le tapis. Donc il dormait directement sur ça, ou bien il était allongé directement sur ça. Et lorsqu'il se bougeait ou lorsqu'il se levait, ça, on voyait les marques du tapis sur sa peau. Donc c'est pour dire qu'il n'était pas dans un confort, hein, dans un grand confort, et avec un matelas très moelleux et très doux. Non, il était assis sur ça, puis allongé sur ça, puis Omar ibn al-Khattab, il est venu, puis il a posé des questions pour savoir qu'est-ce qui se passait. Hein, est-ce que tu as divorcé tes épouses? Il a dit non. Et là, il a commencé à dire des choses pour essayer de le faire rire, hein, ou de le faire sourire. Et il a donné des exemples. Après, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri avec lui. Donc, là, il s'est assis. Et puis, c'est là qu'il lui a dit, j'ai regardé dans la maison, j'ai rien vu qui attire le regard. Excepté, il y en a eu quelques petites affaires, mais c'était pas vraiment de grosse valeur. Alors il a dit, oh messager d'Allah, invoque Allah pour que Allah, il y en a eu, ouvre ses richesses et ses largesses pour ta ummah. Alors que la Perse et Rome, hein, ils ont eu plein de largesses et ils ont reçu la dunya au complet alors qu'ils n'adorent pas Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé, il s'est assis. Et il a dit, est-ce que tu as un doute? Hein? Est-ce que tu as un doute, oh Ibn al-Khattab? Il a dit, ces gens-là, c'est des gens, on leur a précipité les bonnes choses pour eux dans la vie d'ici-bas. En voulant dire, ça c'est des choses qu'on leur a précipité dans la vie d'ici-bas. Dans l'au-delà, ils n'auront rien. Ils vont avoir l'enfer. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Omar ibn al-Khattab? Il a répondu en disant, ô messager d'Allah, demande à Allah pardon pour moi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour moi. Donc ça c'est pour dire que, yani, le cheikh il dit, ça c'est une indication pour nous faire comprendre que le croyant, hein, il vit pas pour la dunya. Dans cette vie, il vit pour l'au-delà. Et on ne doit pas se tourner, hein, et regardez qu'est-ce que certains ont reçu, en particulier des choses de la dunya éphémère. Parce que c'est des choses qui vont périr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 64, dans Surat Al-Ankabut, il dit, cette vie d'ici-bas, elle n'est que amusement et elle n'est que jouissance, elle n'est que distraction et jeu. Hein? Distraction et il y a un divertissement ou jeu. Et la vie de la demeure de l'au-delà, c'est elle qui est la vraie vie. Si seulement il savait. Donc, le cheikh il dit que dans le Coran, il n'y a aucune indication vers le fait d'inciter les musulmans vers la civilisation moderne, hein, ou vers le fait d'atteindre le modèle qu'avaient atteint par exemple les Perses ou les Romains ou les Perses. Il dit bien au contraire, même dans le Coran, il y a les textes qui viennent blâmer le kufr et blâmer les kuffars sans aucune exception. Et il dit que il y a même des choses qui ont été mentionnées dans la législation et dans la révélation qui nous expliquent que le chemin de la puissance et de la force et de l'établissement dans la dunya, c'est yani, le chemin qui est exigé de nous et que le musulman doit emprunter. Et il mentionne le verset 55 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a promis à ceux qui ont cru et qui font, hein, à ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, qu'il allait leur donner la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il allait leur donner l'établissement, il allait établir leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il allait leur changer leur situation de crainte en situation de sécurité, à condition qu'ils m'adorent moi seul et qu'ils n'associent rien avec moi. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de shirk, qu'ils établissent le tawhid. Et il dit, et quiconque renie la foi après cela, alors ceux-là sont les pervers, hein, sont les pécheurs. Et le cheikh, il dit, donc, malgré ça, les ennemis de l'islam ont témoigné eux-mêmes du mérite de la civilisation islamique par rapport à la civilisation moderne, et qu'elle a seulement été capable d'atteindre ce qu'elle a atteint comme développement à cause du mouvement scientifique et des efforts scientifiques des musulmans. Et si vous voulez, vous pouvez lire le livre qui s'appelle « Le soleil des Arabes brille sur l'Occident ». C'est écrit par un orientaliste allemand, et il donne son nom ici en arabe, Zirid Hunan Kano. J'ai du mal à prononcer parce qu'il n'y a pas les voyelles, donc je ne peux pas savoir exactement. Mais sinon, le livre, il est connu. Tu as juste une petite recherche rapide là, comme ça, sur Google. Là, tu peux trouver tout de suite, juste en écrivant le titre. Je vais l'écrire. Le soleil. Je pense que c'est le soleil d'Allah. Pas le soleil des Arabes. C'est le soleil d'Allah. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. C'est ça. C'est pas le soleil des Arabes. C'est le soleil d'Allah. Et l'auteur, son nom, c'est Sigrid Hunke. Sigrid, ça s'écrit S-I-G-R-I-D. Hunke, c'est H-U-N-K-E. Donc c'est ça le livre. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. C'est un livre très, très connu. Je me rappelle lorsque je me suis converti au début à l'islam, les gens lisaient, ils me conseillaient de lire ce livre. Bon, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai jamais lu, mais il paraît qu'il est bon. Donc, ça mentionne toutes les découvertes scientifiques et comment les musulmans ont aidé l'avancement scientifique et technologique de l'Europe, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça le plus important par rapport à l'islam, parce que les koufas, des fois, ils font l'éloge de ce genre de choses, la technologie, la science et tout, comme c'est pour dire aux musulmans, c'est ça qu'on aime de vous. Mais en ce qui concerne ce qui est plus important, la foi en Allah, le Coran, la Sunna, hein, et l'adoration d'Allah, ça, c'est des choses, yani, ils essaient de détourner les musulmans de ça, alors que c'est le plus important. Et c'est pour ça que tu vois qu'ils vont faire l'éloge des athées, des égarés, comme Ibn Sina, comme Al-Farabi. Hein? C'est des individus qui ne croyaient même pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Certains ulama ont même mentionné que ce sont des qaramita, faisaient partie des sectes déviées, yani, qui sont ésotériques et qui ne croient même pas en l'islam. Ils se faisaient passer pour des chiites, mais en réalité, même les chiites font le takfir d'eux. C'est pour dire à quel point ils sont dans l'égarement. Même les rafidahs, ils les rejettent. Donc, les qaramita, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas en l'enfer, ils ne croient en rien. Hein? Ils ne croient pas aux anges. Donc, il faut bien savoir ça. Ibn Sina, celui qu'ils appellent Avicenne, donc c'est pas un musulman. C'est pas un musulman. Il faut comprendre ça, c'est pas un musulman. Même si eux, ils disent, bon, il fait partie de la civilisation des Arabes et des musulmans. Il a développé la médecine. On ne remet pas ça en question. Il a aidé dans l'avancement de la médecine, oui. N'empêche que, sur le plan de la religion, il n'était pas sur le droit chemin. Et il a écrit des livres dans lesquels il y a du kufr. Il y a du shirk et du kufr. comme Al-Shifa et d'autres livres également. Et même que certains ont parlé justement parce qu'à une époque, même celui qu'on appelle Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, il a été dévié justement à cause de ses philosophes, à cause de certains de ses philosophes. Et parmi ses élèves, il y en a qui ont dit Al-Ghazali, il a été rendu malade par le livre qui s'appelle Al-Shifa. C'est-à-dire que Al-Shifa l'a rendu malade. Et le mot Al-Shifa en arabe, ça veut dire le remède. Mais ils disent, c'est comme, en même temps, c'est drôle parce que tu dis, c'est ironique. Comment quelqu'un pourrait tomber malade par le remède? Mais le livre s'appelle Remède, mais il n'y a que de l'égarement dedans. Et en lisant ce livre-là, il a été dévié. Il a commencé à avoir des croyances totalement fausses. Donc, ça, c'est juste en passant, il y a des anecdotes comme ça. Le point numéro 8, donc le cheikh il mentionne le point numéro 8, 9 et 10, et il passe très rapidement, c'est-à-dire il ne va pas répondre de façon très très détaillée par la suite, c'est juste expliquer rapidement. Le point numéro 8, par exemple, il dit « قولهم يفتقر للظهور الإعلامي بعيد عن المشاركة السياسية لأصحاب القرار » Donc il dit, ils disent, par rapport à leur critique envers les salafis et envers la salafie, ils disent qu'elle n'a pas de présence médiatique, qu'elle est loin de la participation politique et des gens de décision, des gens qui ont la décision. Donc le cheikh il répond, il dit أقول هذا مدح لهم فهم لا يبحثون عن الشهرة الإعلامية ولا الفرقعات الدعائية وإنما همهم الدعوة والصلاح والإصلاح وهذا الشافعي من أئمة السلفيين يقول قال حرملة سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني وددت أن كل علم أعلمه الناس تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني ولا يحمدوني أما عدم مشاركتهم في السياسة فهذا من قلب الحقائق فإن مشاركة السلفيين هذه المشاركة السياسية هي النقطة التاسعة في الحقيقة donc c'est ça. Parce qu'il les a mis les deux ensemble, je crois. C'est ça. Al-Zuhur al-I'lami wa al-Musharaka al-Siyasiya hiya nuqtatayn. Nuqtatu al-Thamina wa al-Tasi'a. Wada'ahuma ma'a ba'ad. Amma al-Adam al-Musharaka al-Siyasiya fahada min qalbi al-Haqa'iq fa'inna musharakata al-Salafiina liwulat al-Amr bil-Nasihati wa da'wat al-Nasi ila al-Sam'i wa al-Ta'ati fi al-Ma'ruf ونبذ الاختلاف عليهم وحثهم على لزوم الجماعة من أظهر ما يكون وهل السياسة إلا ذلك أم تريدون السياسة الاختلاف والمعارضة وخلق المشاكل والسعي إلى الحكم donc on va traduire ça. Le cheikh dit le fait qu'ils n'ont pas de présence médiatique comme vous dites ou qu'ils passent pas dans les médias ou dans les choses. Et ça, c'est en fait de l'éloge pour eux, en réalité. C'est une éloge pour eux. Puisque ce sont des gens qui ne recherchent pas la popularité médiatique. Ils ne veulent pas être des célébrités de la télé ou des médias. Parce que c'est ça le malheur à notre époque. Beaucoup de prêcheurs, ils recherchent juste la notoriété, la publicité, la popularité, qu'on parle d'eux. Ils veulent devenir célèbres, ils veulent devenir des vedettes de la da'wa. Allah al-Musta'an. Et la seule chose qui leur intéresse, c'est de mettre leur face sur YouTube, de mettre leur face, leurs vidéos sur Internet pour que tout le monde les reconnaisse. Il y en a même des fois, même dans leurs séminaires, surtout les ikhwan sont forts là-dedans. Maintenant, c'est rendu qu'ils signent des autographes. Oui, ils vont dans leurs conférences, ils signent des autographes pour les jeunes musulmans. Donc ça, c'est vraiment grave. Quand ça arrive jusqu'à ce point, c'est vraiment, c'est pas sérieux quand c'est rendu comme ça. Et Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, le fait qu'il cherche pas la popularité et d'être vu dans les médias et d'être célèbre, ça c'est une chose qui est dans leur, en fait c'est un plus pour eux, c'est un bien pour eux. Et leur intérêt, c'est seulement de faire la da'wah, d'appeler à la réforme et d'améliorer l'état des musulmans et la situation, et non pas de se faire connaître, de se mettre de l'avant. Et il dit, et ça c'est une des paroles des imams, parmi les imams des salafiyins, l'imam al-Shafi'i. Et lui, l'imam al-Shafi'i, il dit, Harmala a dit, j'ai entendu al-Shafi'i qui disait, j'aimerais que toute personne, il dit, j'aimerais, non, c'est ça, il dit, j'aimerais que toute science que j'ai enseignée aux gens et que les gens ont appris, que je sois récompensé pour, mais qu'on me glorifie pas. On ne me fait pas d'éloge pour ça. En voulant dire que, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est que les gens apprennent cette science et que les gens profitent de cette science. Hein? Et d'être récompensé par Allah pour ça, non pas d'être glorifié par les gens ou de se faire des éloges par les gens. Et ça, ça prouve à quel point il était sincère, à quel point il avait de l'ikhlas, pour Allah. Et qu'il ne voulait pas les éloges des hommes, mais il voulait la récompense uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que on doit être. Si on est sincère dans la da'wah qu'on veut faire, c'est comme ça qu'on doit être, et non pas chercher à vouloir être une vedette et se faire connaître et se faire voir partout. Ça c'est la fitna. Et comme on dit, quand quelqu'un commence à se mettre comme ça de l'avant et à se faire voir, à vouloir devenir célèbre, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Pour vrai, c'est le début de la fin. Donc, Allah al-Musta'an. Après, il dit, en ce qui concerne la participation politique, eh bien, il dit, de dire qu'ils n'ont pas de participation politique, c'est de renverser la réalité. Parce que les salafis, ils participent à la politique en donnant le bon conseil à leurs dirigeants, en appelant les musulmans à écouter et à obéir à leurs dirigeants dans le bien, en rejetant la divergence et en incitant les musulmans à rester unis et rester dans la jama'a. Et cet aspect-là, elle est apparente et claire. Est-ce que c'est pas ça la signification de as-siyasa? As-siyasa, et même le mot en français quand on dit politique, en arabe on dit siyasa. Eh bien, siyasa, c'est en fait de bien gérer les choses. C'est ça que ça signifie, de bien gérer les choses. Et en français, la politique, c'est ça aussi. Donc, dans l'islam, il y a la meilleure façon de gérer les choses. Dans les règles de l'islam, il y a la meilleure façon de gérer les choses politiques, des choses de l'État. Et malheureusement, les gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris ça, souvent. Donc le cheikh, il dit, est-ce que vous voulez quoi, vous, comme politique? La politique de la divergence, de l'opposition, de créer des problèmes, chacun, il essaie d'essayer d'obtenir le pouvoir, c'est ça pour vous, la politique? Il dit, أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فِي مَا رَوَاهُ الْبُخَارِي عَنْ جُنَادَةِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةِ قَالْ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَبَيَّعْنَاهُ فَقَالَ فيما أخذ علينا فقال فبيعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان والبيعة التزام بالطاعة في طاعة الله فإنه لا طاعة في معصية الخالق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. نعم. Donc le cheikh il mentionne, il dit que n'as-tu pas entendu la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a rapporté par de qu'est-ce que Al-Bukhari a rapporté selon Junadat ibn Abi Umayya. Il dit: nous sommes rentrés voir Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, il était malade et on lui a dit: que Allah te guérisse, donne-nous un hadith qui va nous profiter par lequel donne-nous un hadith par lequel Allah t'a profité ou t'a fait profiter et que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et il nous a fait donner un serment d'allégeance, une bay'a. Et parmi les choses qu'il nous a indiquées, parmi les choses qui font partie de cette bay'a, parce que la bay'a, quand on prend un serment d'allégeance, c'est quand on met notre main sur la main du dirigeant, puis on lui donne on fait un serment d'allégeance. C'est-à-dire on jure et on donne notre parole qu'on va l'écouter et l'obéir. Mais il y a toujours des clauses. Il y a toujours des clauses à ce serment d'allégeance. Et parmi les choses qu'il a prises, dans les clauses qu'il a mentionnées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les choses suivantes. C'est que, il dit, on devait écouter et obéir dans les choses dans lesquelles on est, lorsqu'on est en forme et lorsqu'on est, on n'est pas, les choses qu'on trouve, lorsqu'on est motivé et dans les choses qui nous déplaisent, dans les moments de difficulté comme dans les moments de facilité, et même dans les choses sur lesquelles le dirigeant se donne des privilèges sur nous. C'est-à-dire que le dirigeant, par exemple, il va se prendre des privilèges dans les affaires de la dunya, il va nous demander qu'on lui donne son droit, mais il ne va pas nous donner notre droit. Même dans ces choses-là, il faut préserver et continuer à respecter notre serment d'allégeance et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Excepté si vous voyez une mécréance claire au sujet de laquelle vous avez une preuve évidente venant d'Allah. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith authentique. Donc on voit clairement là-dedans les principes de l'écoute et de l'obéissance du dirigeant, même lorsqu'il fait de l'injustice. Excepté si on voit un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. Là dans ce cas-là c'est autre chose. Et encore là, les ulama ils mentionnent tout le temps que il y a la condition, bien entendu, que il ne faut pas que le fait de vouloir retirer ce dirigeant qui a un coffre clair, ça ramène des méfaits ou un mal plus grand que le mal de sa présence au pouvoir. Parce que si ça commence à faire couler le sang puis de la destruction, dans ce cas-là, ça ne vaut même pas la peine. C'est mieux d'être patient et d'être endurant dans ce cas-là, comme les ulama l'ont expliqué. Et il dit que la bay'a, le serment d'allégeance, c'est de s'imposer l'obéissance dans l'obéissance d'Allah. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et il mentionne aussi le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque donne une allégeance, un serment d'allégeance à un dirigeant. Celui qui a donné un serment d'allégeance à un dirigeant, il lui a donné sa main, et le fruit de son cœur, c'est-à-dire il est sincère dans son obéissance envers lui, alors qu'il lui obéisse s'il est capable. Et si un autre vient qui veut lui disputer le pouvoir, alors frapper le coup de l'autre qui vient pour lui prendre le pouvoir. Peu importe. Dans une autre narration, il dit « Ka'inan man kan » Peu importe qui il est. peu importe sa piété, peu importe sa science, peu importe son degré dans la religion. Si quelqu'un vient, il veut disputer au premier son autorité, sa position d'autorité, frappez son coup, c'est-à-dire tuez-le, peu importe qui il est. Donc, on ne doit pas disputer le pouvoir ou l'autorité de celui qui est au pouvoir. Ça veut dire que dans l'islam, le dirigeant, il va pas comme par exemple quitter le pouvoir après 4 ans ou après 7 ans ou 8 ans, comme dans certains pays. À chaque 4 ans, à chaque 8 ans, il y a des élections, puis il y a toujours un nouveau président qui arrive. Non, le dirigeant dans l'islam, il reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Et après, il est remplacé par son successeur. C'est pas. Et aussi, il y en a des gens qui ont l'idée que dans l'islam, c'est interdit qu'il y ait, par exemple, des rois ou des monarchies. Que, par exemple, si dans un pays, celui qui est au pouvoir, il donne la succession à son fils après lui, ils disent non, ça c'est pas permis dans l'islam, c'est la monarchie, c'est haram. Hein, ou ça c'est contraire à l'islam. Ces gens-là, ils se basent sur rien pour dire ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune preuve pour dire que la monarchie est interdite en islam. Et la preuve, yani, c'est que, comme les ulama le disent, le premier des rois de l'islam, c'était Muawiyah, radiyallahu anhu, awwalu muluk l'islam. Hein? Et donc, c'est la preuve qu'il n'y a rien de mal dans l'islam qu'il y ait justement des rois et des monarchies. Mais l'idéal, bien entendu, l'idéal, c'est que la personne qui soit mise au pouvoir en succession à celui qui est au pouvoir, c'est quelqu'un qui est le meilleur possible, hein, meilleur dirigeant possible. Mais si c'est pas l'idéal qui se produit, est-ce que ça veut dire que là on va appeler à la révolte ou à se révolter ou à enlever du pouvoir celui qui est au pouvoir, hein, et à vouloir faire comme les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait en France, la Révolution française, hein, et la guillotine, on sort la guillotine, on tue toute la classe politique et les nobles. Ça c'est du désordre total, hein, ça c'est vraiment de la folie. Qu'est-ce qui s'est passé en France, et on voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui, hein, de ces révoltés. Et aujourd'hui, ils essaient de montrer une image comme si oui, on est des gens démocrates et tout, mais il faut retourner à l'origine de la démocratie, comment elle a été établie, pour savoir qu'elle a été établie dans le sang et dans la terreur et dans le chaos, hein. Et ils ont combien de gens, ils les ont tués pour aucun autre péché que parce qu'ils étaient nés dans une famille noble, hein? Comme si c'était un crime d'être noble, même s'ils n'étaient pas nécessairement avec le meilleur comportement ou toujours noble dans leur comportement, mais n'empêche qu'ils faisaient partie de ces familles-là. Et eux, ils étaient contre ça. Puis de là aussi viennent les idées des communistes, des socialistes, qui disent que non, là, par exemple, les familles en général qui ont de l'argent, elles héritent. Hein, quand quelqu'un meurt, il laisse sa richesse en héritage à ses enfants, hein, et à sa famille. Bon, eux ça les dérange, ça, parce qu'ils veulent que tout le monde partage ses richesses, hein. Donc que la richesse appartienne à tout le monde, au peuple. Puis ils disent que ça c'est pour enrayer la pauvreté ou je sais pas quoi. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que non, on s'accapare de tous les biens de tout le monde, hein, ça appartient à l'État. Puis nous on va décider par la suite comment on va le redistribuer ou des choses de ce genre. Tout ça c'est des choses qui sont contraires à l'islam, hein? Allah al-musta'an. Nasallallahu al-afiyah. Ensuite, le point numéro 10, qui est le dernier point. قولهم عن الخطاب السلفي أنه يقوم على أساس تقديس الأشخاص سواء من العلماء أو الأمراء. فأقول هذه تهمة باطلة. المنهج السلفي يقوم على ترك تقديس الأشخاص ونبذ تقليدهم وكلماتهم في هذا وكلماتهم في هذا أشهر من أن تذكر. فالسلفية تضم التقليد لمن يستطيع معرفة الدليل والنظر فيه، وتضم التقليد لمن يتعصب لقول صاحبه وإن خالف الدليل، وتضم التقليد كسبيل للعلم، فقد نقل عنهم أنهم لا يختلفون أن التقليد ليس بعلم. قال ابن تيمية رحمه الله: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم والأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصابت طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. Donc on va traduire jusqu'ici. Le Cheikh, il mentionne que parmi les critiques qu'ils ont fait au discours salafi, c'est qu'ils disent que c'est basé sur le fait de vénérer les personnes, vénérer des personnes et les rendre saintes. Peu importe que ce soit des savants de la religion ou des dirigeants. Et il dit, le Cheikh, ça c'est une accusation totalement fausse. Parce que le manhaj salafi est basé sur le fait justement d'abandonner le fait de vénérer les gens et de rejeter le suivi aveugle, ainsi que yani, le fait de suivre aveuglément et fanatiquement quelqu'un pour sa parole. Et les paroles des imams à ce sujet-là, c'est plus célèbre même qu'on puisse les mentionner. C'est-à-dire, c'est tellement célèbre, on n'a même pas besoin de les mentionner tellement c'est connu. Hein, les paroles des quatre imams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les imams par exemple, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ils ont tous dit, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, c'est mon madhab. Hein? L'imam Malik, il a dit, يعني كل يؤخذ قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط إلى آخره. Plein de hadiths comme ça. Toute personne peut avoir raison ou peut se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Il a dit, si ma parole contredit le hadith, frappez-la sur le mur. Il laissait, en voulant dire, abandonnez ma parole et suivez la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein de paroles comme ça chez les salafs. Et donc, le cheikh, il explique que la salafia, elle blâme le fait de suivre aveuglément lorsqu'on a la capacité de connaître la preuve et de l'analyser. Et il dit que le fait de suivre aveuglément et de s'accrocher fanatiquement à la position d'une personne, même si la personne en question elle contredit la preuve, dalil, ça c'est yani, quelque chose qui est blâmable. Et il dit également que l'islam il blâme le suivi aveugle comme voie pour obtenir de la science, et il a été rapporté de la part de plusieurs d'entre les ulama, et il n'y en a aucun qui a divergé là-dessus, que le suivi aveugle ne fait pas partie de la science. Ils ont dit le muqallid laysa bi'alim. Al muqallid laysa bi'alim. Ça c'est clair. C'est-à-dire la personne qui suit aveugle, aveuglément, une position de quelqu'un sans connaître sa preuve, elle n'est pas un savant. Elle ne fait pas partie des savants. Ensuite, il cite la parole de l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit que la science qui est légiférée, de même que l'adoration qui est légiférée, elle doit être prise, elle est prise des compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne ceux qui viennent après eux, il ne faut pas qu'elles soient prises, il ne faut pas que leur position soit, ou leur parole soit prise comme une base dans la religion. Même si ce sont des imams qui sont excusés pour leur erreur ou même récompensés à cause de leur ijtihad ou de leur taqlid. Et donc il dit, celui qui a basé sa parole dans la science, que ce soit dans les fondements ou dans les pratiques, sur le Coran et la Sunna et les narrations qui ont été rapportées de ceux qui ont précédé, alors celui-là, il a réussi à suivre le chemin de la prophétie et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit de même que celui qui a basé sa volonté, son adoration et ses actions et l'écoute, qui est basé sur les fondements dans l'action, dans les actions, dans la pratique et autres, il s'est basé dans tous ces aspects de l'adoration et de la religion, l'état du cœur et les actions du corps, sur la foi, sur la sunna, sur la guidance, sur la guidance que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Dans ce cas-là, lui aussi, il a suivi la voie correcte, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était également la voie des imams de la guidance. Il dit « وَتَجِدْ الْإِمَامَ أَحْمَدْ إِذَا ذَكَرَ أُصُولَ السُّنَّةِ قال هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. Donc il dit que tu trouves que la parole de l'imam Ahmad qu'il a mentionné dans Usul Sunna, il a dit que la Sunna, les fondements de la sunna, c'est de s'accrocher à ce que suivaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que les livres, l'imam Ahmad, il a écrit des livres de tafsir. Tout ce qu'il a écrit, c'était basé sur des narrations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba et des tabi'in. De même qu'il a écrit des livres de hadith, et avec des narrations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des sahaba et des tabi'in. Et il se basait sur rien d'autre que ça, dans ses fondements scientifique et dans les choses qui découlent de ces fondements-là. Donc tout ce qu'il écrivait, même lorsqu'il a écrit une lettre au khalifa de son époque, Al-Mutawakkil, celui qui a fait arrêter la fitna de Khalq al-Qur'an, et il lui a écrit, il lui a dit, je n'aime pas la parole dans quoi que ce soit de ces choses, excepté si ça vient du livre d'Allah, des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou une parole des sahaba ou des tabi'in. En ce qui concerne autre que cela, alors pour moi la parole n'est pas louable. Autre que cela, dans ce cas-là, pour moi la parole n'est pas louable. Il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَكَذَلِكَ فِي الزُّهْدِ وَالرَّقَاقِ وَالرِّقَاقِ وَالْأَحْوَالِ فَإِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَلَى الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ آدَمَ إِلَى مُحَمَّدٍ ثُمَّ على طريق الصحابة والتابعين ولم يذكر من بعدهم وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين وفي رواية أخرى ثم أنت في التابعين مخير فلا تقديس للأشخاص. يعني انتهى كلامه. قال بعد ذلك الشيخ محمد بزمون يقول فلا تقديس للأشخاص. Donc il dit, puis également dans les livres qui parlent du zuhd, c'est-à-dire le détachement ou le délaissement des choses de la dunya, et al-riqaq, c'est les paroles qui adoucissent le cœur, qui rappellent de l'au-delà, qui rappellent du paradis et de l'enfer, et qui font adoucir le cœur et qui remplit le cœur de foi. Wal-ahwal, il dit donc, il s'est basé dans tout ce qu'il a écrit comme ça sur qu'est-ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis également qu'est-ce qui a été rapporté par la voix des sahaba et des tabi'in. Il n'a pas mentionné qu'est-ce que d'autres après eux ont dit. Et il a décrit également la personne qui prend la science en disant qu'il écrive, que l'étudiant ou celui qui étudie ou qui apprend, qu'il écrive ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des sahaba ou des tabi'in. Et ensuite il dit, entre les tabi'in il a le choix. Ça veut dire qu'après ça il ne mentionne pas les autres qui viennent après, comme si pour lui ça n'a pas d'importance qu'est-ce que les autres après ont dit. Et ça veut dire que même lui-même il ne se calcule pas parmi ceux de qui on devrait écrire ses paroles. Il ne faisait que rapporter les paroles de ceux qui l'ont précédé parmi les salaf. Et donc il n'y a pas de vénération des gens, hein, et de leur position. Et c'est ça que certains pensent. Ils s'imaginent qu'on suit aveuglément les positions des ulama. Et non, c'est pas vrai. Regarde par exemple, tous les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Tu ne dois pas suivre aveuglément Ibn Taymiyyah, tu ne dois pas suivre aveuglément Muhammad ibn Abdul Wahhab, tu ne dois pas suivre aveuglément Sheikh bin Baz, Sheikh al-Albani, Sheikh Muhammad Nasiruddin et tous les grands ulama de l'islam. Tu dois uniquement prendre la vérité, qu'est-ce qui est supporté par le Coran et la Sunna et la position des salafs salih. Si ça contredit leurs propos, contredit ça, tu laisses leurs propos dans ce cas-là. Hein? Donc malgré qu'on sait que c'est des imams qui, eux, ont fait beaucoup d'efforts pour s'accrocher uniquement à ce qui est authentique et ce qui est vrai dans la religion et ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Mais malgré tout, ils ne sont pas infaillibles. Il n'y a personne d'entre eux qui est infaillible. Ils peuvent se tromper comme ils peuvent avoir raison. Et ils disent la même chose que les imams qui les ont précédés à ce sujet-là. Qu'on ne doit pas les suivre aveuglément ou les prendre pour des prophètes. Puisqu'ils ne sont pas des prophètes, ils sont des êtres humains ordinaires. Ensuite, il y a une conclusion. Et donc, je pense qu'on peut essayer de voir rapidement qu'est-ce qu'il dit dans la conclusion. Il dit... Donc, que ces critiques du discours religieux et de la da'wa salafie en particulier, à la base, elles viennent des pays occidentaux. Et elles ont été utilisées en particulier après le 11 septembre, lorsqu'il y a eu les attentats. Et certains parmi les prêcheurs ont monté sur cette vague, hein, puis ils ont essayé d'en profiter pour attaquer la da'wa d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Puisqu'ils ont essayé de décrire les gens de la Sunna comme étant des gens de l'innovation ou des choses comme ça. Et donc, c'était dans le but pour eux d'obtenir ou d'arriver à certains de leurs objectifs. En particulier les soufis, parmi les turq, les différents turq soufis, lorsqu'ils ont vu, par exemple, après le 11 septembre, une opportunité... Hein, de critiquer la salafie, de critiquer les ulama d'Ahlus Sunnah, ils en ont profité pour dire oui, ça c'est cette da'wa salafie, il faut l'arrêter, c'est une da'wa qui est comme ci, qui est comme ça, commencer à lui lancer des critiques et des attaques. Pourquoi? Pour pouvoir se mettre de l'avant eux et pouvoir avoir la porte ouverte pour propager le soufisme et les bid'ah. Hein, parce que eux, ils n'ont pas de gêne, ils n'ont pas de honte de dire, il y en a que eux, ils croient en tout, ils acceptent tout. Pour eux, le christianisme, le judaïsme, toutes les religions sont bonnes. Il faut appeler à l'unification de toutes les religions. Comme ils disent, le hiwar ben al-adyan, ou taqrib al-adyan, ou bien ils disent même parfois, tawhid al-adyan. Il faut unifier les religions. Hein? Donc ça c'était leur da'wa, hein, jusqu'à maintenant ils appellent à ça encore. Et donc c'est pour ça ils ont essayé de se rapprocher des kuffar et de critiquer la da'wa salafie, qui est une da'wa qui est basée sur justement le fait de s'attacher au Coran et à la sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc il dit « Kullun bihasabi fa mimma tas'a lahu ad-dawal al-gharbiya wa adnabuha » بذلك الأمور التالية. Donc il mentionne des choses que les pays occidentaux essaient de faire par rapport à l'islam. يعني زي توسيع أفق المستمع الإعلامي وذلك بتفريغ الخطاب الإسلامي من النصوص الدينية والاعتماد على الأسلوب العقلي والمادي. Donc ils essaient de faire en sorte que les musulmans ne se réfèrent plus aux textes religieux dans leur discours, mais plutôt se basent sur le discours rationnel et matérialiste. Et ils appellent ça يعني l'éducation et le dialogue ou des choses de ce genre. Ensuite, il dit إشاعة مبدأ التسامح مع الآخر بصورة تلغي مبدأ البراءة من الكفر والكافر تحت مسمى الحرية الفكرية ووحدة الأديان. Donc, c'est ça. Maintenant, ils essaient de mettre de côté, disons, de dire il faut mettre de l'avant la tolérance de l'autre, au point même aller jusqu'à dire qu'on ne peut plus se désavouer du kufr et du kafir, établir al-wala ou al-bara. Non. Non, il faut appeler à l'unification de toutes les religions, de dire que toutes les religions sont bonnes et que peu importe la croyance des gens, tout est correct. Il ne faut pas se diviser par rapport à la croyance et des choses de ce genre. دعوهم إلى قراءة جديدة للقرآن العظيم بفهم معاصر يتواكب مع منظومة الحياة ويعتمد فيه على مجرد الدلالة اللغوية والعقل بحيث يلغي ما فيه من تشريعات وأحكام خاصة في باب الحدود والولاء والبراء. Donc ils appellent à ce qu'il y ait une lecture nouvelle du Coran et que cette lecture soit avec une compréhension contemporaine, moderne. Hein? Et donc ils veulent que la compréhension du Coran se base uniquement sur la compréhension linguistique et rationnelle des textes et non pas basée sur les narrations et les preuves et ainsi de suite. Ensuite, il dit وجعل الخطاب الديني خطابا دنيويا مفرغا من معانيه الدينيه يسعون الى donc ils veulent vider le discours religieux de la religion. Ils veulent en faire un discours parler de la dunya seulement. C'est complètement insensé. Il dit والدعوه الى وحده الاديان وإذابة العقيدة الإسلامية. Donc ils veulent appeler à l'unification des religions. Et ça fait partie en général de la da'wa de ceux qu'on appelle la franc-maçonnerie. Hein, la franc-maçonnerie, ça c'est ça leur un de leurs objectifs, d'éliminer toutes les religions puis d'appeler toutes les religions à devenir comme une seule, de nier les différences qui existent entre elles. Il dit وأغراض الدعاة المبتدعة في من طعنهم في الخطاب الديني السلفي يذكر بعض النقاط خمسة أشياء. الأول طرح كل ما يصمهم بسمة البدعة والفرق المخالفة والأهواء. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus qu'on les désigne par le terme de bid'a ou de secte, ou de secte déviée ou divergente, ou par le terme des gens de la passion. Donc ils veulent plus que les gens de bid'a, ils ne veulent plus qu'on les désigne par ces termes-là ou par ces appellations-là. Parce qu'ils veulent faire croire que tout le monde, on est tous pareils, pas de divergence entre les musulmans, tout le monde, on est tous sur la même croyance, la même pratique, il n'y a pas de divergence. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Deuxièmement, تصوير مناهجهم وطرائقهم في الدعوة والحزبية. Donc ils veulent essayer de faire en sorte que les gens, que leur da'wa, leur méthodologie, soit acceptée parmi les musulmans. En particulier les turuq soufiya et les différents groupes de hizbiya, Ikhwan, Tablir et autres. Il faut donner l'ouverture à tous ces groupes et à toutes ces tendances. Il ne faut pas distinguer entre les musulmans. Il faut laisser tous les groupes libres et les accepter. تسليط الحكام والقوى الغربية على السلفية التي تمثل الصراط المستقيم وما عليه أهل السنة والجماعة وما محاولاتهم في وصف أصحاب الإرهاب بالسلفية الجهادية ببعيد عن الأذهان إن شاء الله. Donc il donne un exemple ici comment ils veulent essayer de mettre les autorités et les puissances occidentales contre la salafia, alors que c'est eux qui représentent le droit chemin et la position des gens de la sunna et de la jama'a, et ils essayent à tout prix de les décrire comme étant ceux qui sont responsables du terrorisme, et que c'est ceux qu'on appelle les salafis djihadistes, comme ils disent, alors qu'on sait très bien que le terme salafia djihadia, ça n'a rien à voir avec la salafia, hein, et que c'est une invention qu'ils ont inventée, et que la vraie salafia n'a rien à voir avec le terrorisme, hein. Ceux qui font ce terrorisme-là, c'est des khawarij et non les salafis. Le point numéro 4, al-wusul ila al-hukm an tariq taqdim anfusihim ala annahum yumathiluna al-hal al-islami alladhi yumkinu an yata'ayash ma'a al-waqi' al-urubi kama turiduhu al-quwa al-gharbiya. Donc eux, c'est ça ce qu'ils font, les groupes de Hizbiya. Ils essaient de se présenter devant les kuffars pour dire: nous, on représente la solution islamique au problème qui se passe actuellement, et on est capable d'interagir et de vivre avec la réalité occidentale et européenne. Et c'est ça ce qu'ils ont fait, même ici quand il y a eu les accommodements raisonnables, il y a plein de groupes qui se sont présentés à la commission, puis qui ont commencé à dire oui, nous, on est d'accord avec la démocratie, on est d'accord avec la laïcité, on est ci, on est ça. Surtout les Ikhwan, c'était ça leur discours. Puis dire, nous, on représente donc la solution pour les musulmans. Hein. Donc acceptez-nous, aimez-nous, puis mettez-nous de l'avant sur la communauté. Le point numéro 5, al-abath bi muqaddirat al-umma عن طريق إبعاد من يمثلون الدين الإسلامي الصحيح عن الساحة ونبذه بأقبح الأوصاف وتنفيرا للناس منهم، وهذا هو ما يريدونه وما يسعون إليه من وراء تلك الهجمة على الخطاب الديني، فهم بعبارة شفافة لا يريدون الإسلام كما هو، وإنما يريدون إسلاما على طريقتهم. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الخاسرين ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Donc le cheikh, il dit, comme pour terminer, que ils essaient de mettre à l'écart ceux qui représentent réellement l'islam authentique et de leur donner des sobriquets, de les appeler par les plus laides de caractéristiques pour faire fuir les gens, hein. Et également, et donc, il dit, c'est ça qu'ils veulent derrière leur attaque contre le discours religieux. Et d'une autre façon, si on veut, ils veulent pas l'islam tel qu'il est, mais ils veulent un islam selon leur façon à eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a clarifié donc que c'est pas comme eux ils veulent, mais l'islam doit être comme Allah le veut, et non pas comme eux ils le veulent. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on a terminé donc cette risala de Cheikh Mohamed Bazmoul, et puis donc on continuera la semaine prochaine avec une nouvelle risala, inshallah, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.